La nouvelle de l'inspection des entreprises halieutiques 27 mai et 8 janvier de l'armée populaire de Corée par le maréchal Kim Jong-un a été rapportée par l'agence de presse Rustas, l'agence de presse Gyodo du Japon, le journal sénégalais Le Populaire, le réseau Planète de Chine et les pages internet du Comité national d'études du kimilsonisme et kimjongisme du Nigeria, du Comité national d'études des idées justes du Congo démocratique, de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et de l'Association d'amitié Baek Tsun Tchèque-Corée.